Je m'imagine ton enfance avec tes grands yeux étonnés. Oh, comme j'envie ce que la chance a fait grandir à tes côtés. J'aurais tant voulu te connaître depuis des années, des années. Tu serais devenu mon maître, moi ton esclave passionné. J'aurais aimé vivre dans l'ombre, au moindre souffle intervenir pour éclairer tes heures sombres, faire partie de tes souvenirs. Mais parle-moi de ta jeunesse, que je veux suivre pas à pas, dans tes plaisirs, dans tes tristesses, dans tes soucis et dans tes joies. Si tu savais comme je veux boire les mots de ta bouche adorée, tu me raconterais des histoires sans jamais vouloir t'arrêter. Tu me dis que ta vie commence depuis que tu m'as rencontré, et que jamais tu ne repenses aux événements de ton passé. Répète encore pour moi ces choses qui pénètrent au fond de mon cœur. Oh, mon amour, dis ces choses qui ressemblent au bonheur. Est-ce vrai que là, dans ta tête, rien d'autre ne te fait envie, et que jamais tu ne regrettes d'être mon homme pour la vie?